tes commentaires en France, connais pas, on s'en fout, on avait. Y'en a qui me font mal à la tête, limite prêt à me sucer pour me gratter un fil. Poto, j'ai taffé comme un chien, c'est normal que je souris quand je baisse la vitre. On a bossé pour en arriver là, c'est ce que je me dis quand je vois tous mes disques. Très loin des bagarres, des terrains de zig. Je vais péter le million, je continue la zig. Reste à l'écart, tu peux devenir ma cible. Et sur ma mère qu'on rate jamais la cible. J'ai plus de gomme, cogne, mon pote, je voudrais une Kalachnikov. Je suis dans le top 50 France, que des grosses bastos dans l'alcool. Jamais refuser le tête à tête, demande à toute la tristesse. Je fais la guerre avant de faire la fête, je suis jamais sans inverse. Laissez-moi tout seul dans ma bulle, je dirais pas SOS. Tant que j'entends encore le battement de mon cœur, ça veut dire RASS. Je te coupe ma vie, je l'emballe en bas. Cette nuit, je détaille tout. Je suis dans la ville, je rentre tard ou pas. Et le matin, j'étale tout. Je te coupe ma vie, je l'emballe en bas. Cette nuit, je détaille tout. Je suis dans la ville, je rentre tard ou pas. Et le matin, j'étale tout. Toute ma vie, je l'emballe. Je tourne la ville complètement rabat. Faut que je bombarde, faisons ta piste. J'ai vécu trop de choses au virage. Je peux pas dire que la rue m'a eu. Je reste vrai quoi qu'il m'arrive. Très peu d'amis, beaucoup d'ennuis. Heureusement que je baisse tous mes ennemis. Ouais, vrai fainé qui chez lui tout ou pas. Assumer oui je vais pouvoir. Je suis au quartier mais t'es où toi. Je suis au quartier mais t'es où toi. Numéro uno du tournoi. Y'a que des fils depuis ton tournoi. J'ai préféré faire le sourd moi. Je préfère tracer ma route moi. Jamais refuser le tête à tête. Demande à toute la tristesse. Je fais la guerre avant de faire la fête. Je fais jamais sans inverse. Laissez-moi tout seul dans ma bulle, je dirais pas SOS. Tant que j'entends encore le battement de mon cœur, ça veut dire RASS. Je découpe ma vie, je l'emballe en bas. Cette nuit, je détaille tout. Je suis dans la ville, je rentre tard ou pas. Et le matin, j'étale tout. Je découpe ma vie, je l'emballe en bas. Cette nuit, je détaille tout. Je suis dans la ville, je rentre tard ou pas. Et le matin, j'étale tout. Je découpe ma vie, je l'emballe. J'ai pesé mes problèmes au gramme. Je suis dans la ville ce soir, je rentre pas. Je sais la nuit, mon pote, je dors mal. Je découpe ma vie, je l'emballe. J'ai pesé mes problèmes au gramme. Je suis dans la ville ce soir, je rentre pas.